c'est venu le groupe qui va vous faire danser. Avant c'était du punk, mais on s'est reconverti. Alors je vous le promets, ce soir on sera gentil. Nous avons déserté les rues de tous les rades pour partir à l'assaut d'une place au hit parade. On veut gagner du fric, alors pas de pitié. Imposons notre style, c'est la loi du métier. Derrière les barreaux, Moonstomp, Moonstomp, Moonstomp, Moonstomp, Moonstomp, Moonstomp, Moonstomp, Moonstomp, Moonstomp. Partir, parce que nous irons loin, nous bannirons.